Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à aborder la question de la conquête mongole de la Chine. En fait, au 13e siècle, pour la première fois depuis le début de sa longue histoire, l'ensemble du territoire de la Chine est conquis et dominé par un peuple étranger et pas simplement les régions du nord de la Chine, comme ce fut le cas avec les dynasties Liao et Qin, par exemple. Les Mongols vont toutefois bénéficier grandement de l'expérience administrative qui a été mise en place par les Liao et les Qin, et vont s'appuyer notamment sur les pratiques d'administration duelle que ces dynasties avaient développées. D'une certaine manière, on peut dire que les Jurkens de la dynastie Qin sont les premières victimes de la conquête mongole du territoire chinois. Contrairement aux Qin qui se sont contentés de conquérir le territoire des Liao et de repousser les Chinois tout en demeurant dans le nord du pays, les Mongols vont aller jusqu'à s'adapter au territoire de la Chine dans les régions plus au sud pour étendre leur domination sur l'ensemble du territoire chinois. En fait, la conquête mongole s'étend sur une cinquantaine d'années, alors que la dynastie Song disparaît définitivement en 1279. Mais, encore aujourd'hui, de nombreux spécialistes s'interrogent à savoir pourquoi les Mongols ont-ils quitté leur niche écologique traditionnelle pour se lancer à l'assaut de la Chine. Et parmi les hypothèses qui circulent, notamment en lien avec l'histoire environnementale, nombreux sont ceux qui parlent d'un important refroidissement climatique qui aurait eu lieu vers 1175-1250, ayant pour conséquence une diminution des pâturages qui étaient disponibles au nord dans le corridor de la steppe, et qu'il aurait donc fallu rechercher de nouveaux territoires plus au sud. Quand on observe les grandes lignes de la conquête mongole, celle-ci a été fulgurante et elle débuta en 1206, alors que Temujin prit le titre de Genghis Khan. La ville de Pékin tomba aux mains des troupes mongoles en 1215, et quelques années plus tard, soit en 1234, l'ensemble de la région du nord de la Chine était maintenant aux mains des Mongols, qui étaient parvenus à éliminer la dynastie Qin. Les Mongols se déployaient telle une machine militaire extraordinairement efficace, et ils ont réalisé des accomplissements uniques dans l'histoire de l'Asie. L'expérience de leur cavalerie, soutenue par des archers remarquables, leur permit de conquérir rapidement les territoires tout en faisant preuve d'une force d'adaptation et d'innovation insoupçonnée. Par exemple, ils ont utilisé ce qui est perçu aujourd'hui comme l'ancêtre du fusil, en modifiant les usages de la poudre à canon qui avait été découverte en Chine, à partir de tubes de bambou qui lançaient des flammes, ainsi qu'un cocktail de charbon, de fer et de porcelaine. Au fil de leur conquête, les Mongols se sont adaptés au climat et aux terrains plus humides des territoires du sud de la Chine. Ils ont même développé une force navale qui leur a permis de venir à bout de la marine chinoise. Ainsi, leur stratégie de conquête sur terre et sur mer a permis de contrôler les routes et les circuits d'approvisionnement. On dit que leur mobilité à cheval était incomparable, alors que les cavaliers pouvaient avoir parfois 5 chevaux qui les accompagnaient, ce qui permettait de reposer les montures lors des longues chevauchées. Les Mongols ont la réputation d'avoir été des conquérants impitoyables. Leur conquête fut brutale et violente, résultant en asservissement ou en massacre. Et parmi les raisons évoquées pour cette brutalité, Des auteurs suggèrent que c'était notamment pour éviter la durée requise normalement par le siège d'une ville. Comme la prise des villes était l'objectif de la conquête, et que le siège pouvait parfois être très long, et que les armées mongoles étaient plus efficaces lorsqu'elles étaient en mouvement, certains auteurs croient que les Mongols voulaient tout simplement semer une réputation de terreur qui les précéderait partout où ils iraient, afin que les habitants des villes n'offrent aucune résistance. La conquête mongole ne se limite pas au territoire de la Chine, mais elle s'étend sur l'ensemble du territoire eurasiatique. La ville de Moscou est tombée en 1237 et les armées mongoles se rendirent jusqu'en Autriche, en Hongrie et en Europe de l'Est. Par contre, il n'y eut pas que des succès à cette conquête puisque les armées ont échoué en essayant de prendre le Japon une première fois en 1274. Ils ont échoué aussi à Java, en Birmanie, ainsi qu'au Vietnam. Les Mongols ont la réputation d'avoir été des conquérants hors pair, mais aussi des gestionnaires médiocres. En fait, l'une de leurs grandes forces, la structure clanique, s'avérait particulièrement efficace en temps de guerre, mais c'était tout à fait l'inverse en temps de paix. Par exemple, sur le plan social, tous les hommes participaient aux chasses et aux guerres, pendant que les femmes s'occupaient des troupeaux et des biens. De plus, l'allégeance à l'égard du chef était totale et absolue, mais seulement en temps de guerre. Et n'oublions pas que ce sont les butins de guerre qui servaient à récompenser les fidèles et à souligner les honneurs accordés par le chef. Dans un tel contexte, arrêter la guerre équivaut à libérer les troupes, et cela équivaut à une perte de pouvoir, une diminution de l'ascendant politique du chef sur les populations. Et cela revient aussi à ne plus avoir de butin à pouvoir offrir pour consolider les allégeances. Un autre problème des Mongols concerne les règles de succession, qui ont été surnommées « Bloody Tanistry », soit une succession sanglante. À la mort du chef, un conseil des anciens était mis en place, un conseil Kuriltai, qui choisissaient leur nouveau chef par approbation, généralement après que ce dernier ait eu vaincu tous ses rivaux qui étaient les autres prétendants. À la mort de Genghis Khan, le Kuriltai s'était entendu sur la nomination de Ogodei comme successeur. Mais une querelle de succession éclata et elle conduisit à la fragmentation de l'empire qui dominait alors l'Eurasie, en quatre différents territoires, quatre cadrans. D'abord, il y avait le Grand Khanat, qui couvrait toute la portion Asie de l'Est, incluant la Chine, et qui était dirigé par Ogodei, suivi de Mongke et de Kubilai. Et c'est ce dernier qui fonda la dynastie Yuan en 1271. En plus du Grand Khanat ou Khanat de l'Orient, duquel émergea la dynastie Yuan, il y avait ensuite le Khanat de Chagatai, le Khanat de Perse et, finalement, celui de la Horde d'Or. La conquête de la Chine posa de nombreux défis culturels pour les Mongols, en lien avec la langue, les coutumes et les mœurs. En termes de population, ce sont à peu près 2 millions de Mongols qui tentaient de contrôler 85 millions de Chinois. La plupart des Mongols étaient illettrés, mais ils avaient besoin des institutions chinoises pour administrer l'Empire. C'est donc en s'inspirant de l'administration duelle, mise en place par les Liao et les Qin avant eux, qu'ils ont mis en place une structure administrative duelle, avec un fonctionnaire mongol et un chinois pour chaque poste clé. Les Mongols étaient très méfiants à l'égard des Chinois et ils ont limité les examens impériaux qui furent même suspendus jusqu'en 1315. En plus des nombreux jurkens qui ont servi ce nouveau pouvoir qui se mettait en place, les Mongols ont aussi recruté des Arabes, des Turcs et même des Européens à l'occasion pour administrer l'Empire. Même si les Mongols ont conservé les nombreuses institutions chinoises, le cloisonnement social était rigide et très discriminatoire. Et il y a de nombreux Chinois, surtout dans le sud du pays, qui ont carrément refusé de servir le nouveau pouvoir. C'est à cette époque qu'on assiste à un début de conscience ethnique de la part des Chinois, alors que les Mongols représentent la goutte qui a fait déborder le vase du « peu importe qui mène la barque » dont nous avons parlé plus tôt. Par ailleurs, la Pax Mongolica qui s'est établie sur l'ensemble du continent eurasiatique a aussi facilité les échanges en Asie sur toutes les routes de la soie. Les échanges entre les peuples n'étaient pas seulement économiques, puisque c'est à cette époque que l'islam se diffuse en Chine, particulièrement dans les provinces du Yunnan, le Sichuan, le Gansu et à Canton. De plus, comme nous verrons au prochain chapitre, avec la venue en Chine de nombreux Européens, la diffusion des technologies a profité grandement de cette paix mongole qui a favorisé la multiplication des échanges sur le continent. Notamment parce que c'est sur ces routes et dans ce contexte que les quatre grandes inventions de la Chine ont pu atteindre l'Europe une à une. Par contre, on doit aussi noter la prolifération des virus, dont celui de la peste noire qui a circulé sur les routes entre l'Asie et l'Europe et qui a fait des ravages en Europe au 14e siècle. Au final, comme pour les dynasties semi-nomades, la structure clanique des Mongols fit en sorte que l'allégeance politique était fragile en temps de paix. Et on vit se succéder 9 différents empereurs entre 1294 et 1333, dont 4 empereurs pour la seule période entre 1320 et 1329. Ce qui plongea la dynastie Yuan dans une dynamique de querelles de succession et de rivalité de palais. Finalement, en plus de l'instabilité économique et politique qui était présente, la peste bubonique frappa le nord de la Chine en 1331-1354 et de nombreuses révoltes populaires éclatèrent aux environs de 1350. Et c'est ce qui nous amène au quatrième point de ce chapitre, un point qui s'intitule « Onwu et le pouvoir autocratique des Ming ». La dynastie Yuan n'est pas parvenue à s'établir durablement en Chine, notamment parce que la structure clanique des Mongols les rendait plus efficaces dans la conquête et la mobilité et très peu dans l'administration sédentaire. Par ailleurs, la discrimination ethnique des Mongols à l'égard des Chinois occasionna d'importants ressentiments dans la population et le tout explosa à partir du milieu du 14e siècle. À l'oppression politique s'ajoute le gaspillage des ressources et la rapacité des fonctionnaires, ainsi que le fardeau des impôts liés à la guerre, le tout dans un contexte d'instabilité économique. Dans ce contexte, l'entretien des digues fut négligé et les inondations du fleuve Jaune devenaient récurrentes. En 1324, 1336, 1344. Et de la même manière, peu de ressources étaient investies par le gouvernement dans les greniers de la famine pour venir en aide aux nécessiteux en temps de crise. Tout ça fit en sorte que de nombreuses rébellions populaires ont éclaté sur le territoire de la Chine des Yuan à partir de 1340-1350, incluant des mouvements millénaristes et des sociétés secrètes d'inspiration bouddhiste ou taoïste. Le plus célèbre de ces mouvements est celui des turbans rouges, dont l'inspiration vient des turbans jaunes qui, on se rappelle, ont mis fin à la dynastie Han quelques siècles plus tôt. Le mouvement des turbans rouges va s'appuyer sur une masse d'individus réquisitionnés pour des travaux d'entretien de digues. Ils étaient, par exemple, environ 150 000 dans la province du Shandong en 1351. Au cœur de ce mouvement de révolte populaire, Zhu Yuanchang, issu de la classe des paysans pauvres, prend la tête d'une bande d'insurgés en 1348. Et ceux-ci commencent à prendre le contrôle des villes dans la province de Lanhui en 1352. Les rebelles menés par Zhu Yuanchang s'emparent de Nanking en 1359 et ce dernier reçoit le titre de prince du royaume de Wu en 1364. Par la suite, Zhu Yuanchang élimine les autres factions rebelles et il fonde le grand empire Ming, le Ta Ming, en 1367, juste avant de prendre la ville de Pékin en 1368. La victoire de Zhu Yuanchang est d'abord dirigée contre les autres factions de rebelles. Et grâce à cet ascendant, ils parviennent à repousser les Mongols vers le nord avant de terminer la conquête de la Chine en 1387. Fondateur de la dynastie Ming, Zhu Yuanchang prend le nom d'empereur Hongwu, signifiant « vaste militaire ». Et on dit que le caractère de la dynastie Ming est aussi le reflet de son fondateur. En plus d'être laid sur toutes les images qui le représentent, on disait de lui qu'il était un homme violent, qu'il avait un tempérament irascible et qu'il était paranoïaque face aux conspirations. Le défi de la reconstruction économique était immense pour la dynastie Ming, autant sur le plan agricole que commercial. On se retrouve en effet dans une période de chaos économique, marquée par le ravage des années de l'exploitation mongole, alors que trop de ressources ont été dissipées à nourrir l'effort de guerre. La violence des guerres civiles qui ont ravagé le pays depuis les années 1350 a accentué la destruction du territoire et des villes. Un vaste chantier de reconstruction se met alors en branle, échelonné sur une vingtaine d'années, touchant autant l'irrigation et la mise en valeur des terres agricoles que la réparation des digues et la plantation d'arbres. Entre 1371 et 1379, la superficie des terres cultivées du pays fut multipliée par 3 pour atteindre environ 1 500 000 hectares. À l'époque, la population totale de la Chine passe de 60 à 100 millions d'habitants. Et chaque famille fut mise à contribution dans un vaste effort de reboisement du pays. En 1391 seulement, on estime que 50 millions d'arbres furent plantés aux abords de la ville de Nanking, alors que pour 1396, on dit que c'était 84 millions d'arbres pour les provinces du Hunan et du Hubei. Au total, ce furent plus de 1 milliard d'arbres qui furent plantés durant les premières décennies de la dynastie Ming, dans un vaste effort de reboisement global de la Chine. On estime que c'était environ 600 arbres qui étaient plantés, qui étaient attendus pour chaque famille. Nous poursuivrons la semaine prochaine avec les débuts de la dynastie Ming et de l'empereur Hongwu. Mais pour l'instant, on va retourner en musique pour terminer cette émission en beauté. La dernière pièce de la journée est interprétée par le groupe Tziwei, ce qui signifie « hérisson ». Et on les retrouve aussi sous leur nom anglais, « Hedgehog ». C'est une chanson qui nous permet aussi de terminer l'année qui s'achève sur une note d'espoir. Les paroles de la chanson racontent une vie qui ne fait sens nulle part. Une société remplie de compétition sur tout et sur rien. Mais malgré tout, rien de tout ça n'est capable d'empêcher les fleurs d'éclore dans nos rêves. Un peu comme si le chanteur disait à son ami qui avait perdu tout espoir, « Ne t'en va pas à l'autre bout du monde. Ting ni pouyar li kai. Commence donc par te rapprocher de moi à la place. Parce qu'ici, le bon temps n'arrêtera jamais d'éclore. Choli shang si hua kai. » Même dans la solitude hivernale, on sait que les arbres d'hiver se préparent à renaître, parce que c'est dans cette solitude hivernale que prennent vie, lentement, les petites choses qui deviendront sous peu les bourgeons du prochain printemps. Alors je vous laisse avec cette chanson du groupe Hedgehog. Voici donc Baiju Monglan. Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧。